du principe qui constitue les diverses formes de gouvernement. Pour exposer la cause générale de ces différences, il faut distinguer ici le prince et le gouvernement, comme j'ai distingué ci-devant l'État et le souverain. Le corps du magistrat peut être composé d'un plus ou moins grand nombre de membres. Plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. La volonté du peuple, ou la volonté souveraine, est générale, tant par rapport à l'État considéré comme le tout, que par rapport au gouvernement considéré comme partie du tout. Le plus actif des gouvernements est celui d'un seul. Il est sûr que l'expédition des affaires devient plus lente à mesure que plus de gens en sont chargés, qu'en donnant trop à la prudence, on ne donne pas assez à la fortune, qu'on laisse échapper l'occasion, et qu'à force de délibérer, on perd souvent le fruit de la délibération. Au reste, je ne parle ici que de la force relative du gouvernement, et non de sa rectitude, car, au contraire, plus les magistrats sont nombreux, plus la volonté de corps se rapproche de la volonté générale, au lieu que, sous un magistrat unique, cette même volonté de corps n'est, comme je l'ai dit, qu'une volonté particulière. Ainsi, l'on perd d'un côté ce que l'on peut gagner de l'autre, et l'art du législateur est de savoir fixer le point où la force et la volonté du gouvernement, toujours en proportion réciproque, se combinent dans le rapport le plus avantageux à l'État.